En très peu de temps, et après avoir assisté d'une façon très vigilante à tout ce qui s'est dit, quelques réflexions sur ce colloque qui vient de se tenir. Je crois que il y a déjà quelque chose à dire sur la connaissance de Marly, car on est en face d'un vide. Et c'est quelque chose qui n'est pas ordinaire que de parler, que de connaître, quelque chose qui n'existe plus. La connaissance de Marly, si j'ai bien compris pendant ces quelques jours, a procédé par étapes. Il y a d'abord eu une première étape d'un Marly inconnu. Ce Marly a été détruit tout doucement au cours du XVIIIe siècle et a disparu au début du XIXe siècle. Il a disparu de l'espace, il a disparu de l'histoire de France, il a disparu des préoccupations d'à peu près tout le monde, si j'ai bien cru comprendre les toutes premières interventions. Les Français s'y sont peu intéressés, les mémorialistes ont pris Saint-Simon et ont cru s'en tenir là. Ça n'est pas un cas exceptionnel. Les premiers historiens de Versailles ont préféré raconter ce qui s'était passé dans les pièces plutôt que d'essayer de savoir en quoi ces pièces, en l'occurrence, consistaient vraiment. Je pense à Ducieux qui vient, à mon sens, d'être réédité d'une façon bizarre. Mais enfin, comme s'il n'y avait pas d'autres choses plus urgentes. Mais bref, Ducieux est intéressant, mais c'est l'histoire de l'histoire. Rééditer Ducieux, peut-être à ce titre-là, pourquoi pas. Un désintérêt des Français. Et là, connaissant une deuxième étape ensuite, si je vous ai bien suivi, c'est une connaissance que je dirais scientifique de Marly, qui a été le fait, et on nous l'a bien dit, plus des étrangers que des Français. Les Suédois, Josephson, ensuite sont venus dans les années 70-90, et c'est quand même pas très très ancien, des travaux américains, Betsy Rosasco, Mukherjee, des travaux allemands, Weber, Hartmann, etc. Des travaux qui ont porté sur quoi? Sur l'architecture, sur la sculpture et sur les jardins. C'est-à-dire l'aspect matériel de Marly d'après des documents d'archives essentiellement ou bien d'après ce qui restait de la sculpture. J'ai, vous suivant bien, constaté que les Français, pendant ce temps-là, qui s'étaient intéressés à Marly, ne mettaient pas Marly au centre de leurs préoccupations. On a cité Souchal, on a cité Madame Bresque-Bottier. Ces gens ont travaillé admirablement sur la sculpture, faisant de grands inventaires, mais Marly était une partie de leurs travaux et pas au centre de leurs travaux. Puis est venu, et alors là, ce que j'avais écrit hier soir doit être un peu modifié avec ce que j'ai entendu ce matin, donc est venu en parallèle deux types de travaux. Des travaux des historiens français que nous avons pu apprécier, et moi tout particulièrement hier matin, une connaissance des hommes de Marly, je pense à Éric Soulard, à Benjamin Rigaud, et une connaissance des fonctions de Marly, et c'était les fonctions historiques de Marly, c'était les quatre communications d'hier matin. Et cet apport où je vois une recherche historique française, recherche historique d'une façon prépondérante française, je m'aperçois en vous entendant ce matin que ça s'est doublé d'une recherche où là aussi c'est les Français qui mènent le bal. Ce sont des archéologues, ce sont des gens de la conservation. C'est un autre type de connaissance, une connaissance factuelle, archéologique, je croyais, connaissant archéologique uniquement, je croyais, connaissant Bruno Benz par certains de ses écrits ou ce que Éric Soulard m'en avait dit, mais je m'aperçois aussi que c'est archéologique, que c'est archivistique, publication de plans, etc. Donc un type de travail assez original finalement, ce qui fait que nous avons là une série d'approches successives pour un objet qui est à la fois un objet patrimonial à restituer. Je laisse ouvert ce qu'on nous a dit précédemment. Un objet patrimonial, un objet d'archéologie, on peut presque dire, sur le terrain, mais aussi d'archéologie dans les textes, les origines de Marly, dans le plan, dans les schémas, etc., dans la conception des bâtiments, et aussi ce travail des historiens. Donc, sur Marly, il me semble que s'ajoute, cumule, une série d'approches avec des méthodologies extrêmement différentes qui font qu'il y a véritablement là quelque chose d'original et dans la recherche et dans le travail sur les monuments et dans la mise en valeur des monuments. Donc c'est une originalité dont je ne me serais pas douté car ce que je connaissais de Marly comme la plupart de mes collègues, c'était une approche à partir d'une histoire de l'art relativement traditionnelle, ça n'est pas péjoratif dans ma bouche, et une approche archivistique et historique. Je découvre avec grand intérêt toute cette approche sur le terrain et en même temps sur les archives extrêmement originale. C'était un premier point. La connaissance de Marly a mis du temps à démarrer, mais je trouve qu'aujourd'hui, elle va très fort, très vite. Elle apporte beaucoup de nouveautés à partir de techniques et de regards divergents et convergents. Un deuxième point que je voudrais retenir de ces deux jours et demi, c'est peut-être, j'allais dire là aussi le plus traditionnel, mais disant ce qu'on a dit ce matin, je retire ce mot. La connaissance de la maison royale. Une connaissance de la maison royale, une connaissance, on pourrait presque dire, de l'objet Marly. Alors, on a eu là, en gros, deux approches. Tout le monde l'a vu. On a eu une approche de type histoire de l'art. Et là, je retiendrai, bien entendu, le travail de Claudia Hartmann, que je connais depuis déjà que le livre est paru. À ce propos, je crois qu'il faut rendre hommage à la recherche et à l'érudition allemande qui, dans le domaine de Versailles particulièrement, mais des châteaux français en général, a été extrêmement active, extrêmement pertinente et je dirais presque parfois bien en avance et presque parfois meilleure que celle des Français. Là, nous avons eu là des exemples, j'en ai en tête, mais le temps file et je n'ai pas le temps de les citer. Mais il y a à être très admiratif et reconnaissant envers cette érudition allemande. Je serais peut-être, puisqu'on peut se le permettre, un petit peu plus réservé vis-à-vis de l'érudition américaine, dans le sens où j'ai l'impression que l'érudition allemande, avec sa méthode si caractéristique de la recherche archivistique, est peut-être plus près du réel. Alors que si la recherche américaine nous donne beaucoup d'idées, parfois, elle a quelques tendances à s'éloigner de ce qui me semble avoir été la réalité. Bref, c'est un point de vue personnel. Je pense que Madame Hartmann a bien résolu la question des pavillons. Je ne reviens pas sur ce qu'elle a dit et écrit, évidemment. On a ni le temps et c'est pas utile. Tout le monde aura compris que j'étais plus réservé sur le modèle cartusien. Je ne reviens pas là-dessus. Je pense à ce propos. Une petite réflexion presque de méthodologie. Je pense que ressemblance n'est pas forcément influence. Je pense que ce n'est pas parce que quelque chose ressemble dans un schéma ou dans une pratique, on pourra dire autant des rituels, qu'il y aurait eu pour autant influence. Je pense qu'il faut s'attacher à savoir ce qui est plausible et ce qui est moins plausible. Ce qui est plausible, je pense, c'est ce qui se trouve dans la tête des concepteurs. Quel était l'imaginaire culturel, quelle était l'éducation, quels étaient les schémas, quelle était la culture technique, idéologique, littéraire, mythologique, des gens qui ont construit tel ou tel domaine, c'est pas seulement vrai pour Versailles. Donc, était-il plausible que des gens comme Ardoin Mansart, des gens comme Lebrun, puissent chercher un exemple, je reprends cet exemple de la Chartreuse, puissent chercher un exemple là dans un secteur qui me semble assez loin de leur propre imaginaire culturel, alors qu'ils avaient la tête remplie de l'Antiquité romaine, des traités sur l'Antiquité romaine et des réalisations qui avaient été faites en France au XVIe, voire première moitié du XVIIe, Marie de Médicis au Luxembourg, où là, l'exemple de la Rome impériale, via les Italiens, était très présent. Débat qu'on peut continuer, sûrement pas aujourd'hui, mais débat qui peut être posé. Je pense qu'à propos de Marly, se pose aussi la question, puisqu'on a parlé des origines, à propos de l'architecture de Marly, la question de la tradition française ou non française. Il y a eu le plan centré français du XVIe siècle, si puissant. Il y a eu les dessins de Lepôtre, par exemple, ou de Marot, au cours du XVIIe siècle, qui ont, francisé des propositions italiennes. Et même ce fameux mur peint qui avait tant étonné n'est pas quelque chose de complètement importé et se trouvait aussi en France. Bref, la communication de Madame Hartmann, le livre d'elle que j'ai lu et médité, et d'autres aussi, m'amène à réfléchir sur le plan méthodologique. Les documents sont là, le problème de l'interprétation est un problème peut-être un peu difficile, avec lequel il faut prendre certaines précautions. J'irais même jusqu'à dire que la bonne connaissance, ou la connaissance qu'on peut espérer bonne, du contexte politique, social, culturel français, puisque nous parlons de palais français, permet de comprendre et de poser des questions. J'ai, à l'époque, quand j'avais fait mon livre sur Versailles, sévèrement critiqué l'interprétation de Newton, qui voyait, par exemple, qui voyait dans la tonne la représentation de la fronde. Il est évident que ça peut séduire de voir dans le bassin de la tonne, la représentation des frondeurs punis par le roi. Il me paraissait quand même complètement invraisemblable que Louis XIV se réveille tous les jours en ayant sous ses yeux une fontaine qui lui rappelait les misères de son enfance. Par conséquent, je mets une croix définitive sur l'interprétation de la tonne comme représentation de la fronde. Je pense que si on se pénètre de ce que pouvait être l'imaginaire de Louis XIV à ce moment-là, on ne peut pas évoquer cette hypothèse. Ce sont quelques notes méthodologiques, si j'ose me permettre. Donc, on a travaillé, et c'était très passionnant, sur cette origine de ces bâtiments, sur l'origine de cette mise en espace aussi. Les eaux et la machine de Marly ont été un peu moins abordées. La question est, il est vrai, très largement traitée ailleurs, et notamment dans la thèse d'Éric Soulard, mais dans d'autres ouvrages. Très intéressant, par contre, avait été la communication de M. Brandstetter sur ce que la machine, bien sûr, elle servait à monter l'eau, ça tout le monde l'a compris, mais la machine aussi était une sorte de support à fantasme avec ce roi machiniste, comme avait dit Jean-Marie Apostolides, après une citation du XVIIe, qui faisait monter l'eau de la Seine et qui faisait jaillir des jets d'eau à 20-25 mètres sur un plateau sec. Je crois qu'il y a là une approche très intéressante. Et on l'avait évoqué au moment du colloque sur la technologie à Versailles. Quel était l'apport de la technique et de la technologie dans cette construction de Versailles? On a l'habitude de voir dans Versailles des dorures, on y voit de l'art avec un grand A, on y voit de la peinture, moi j'y vois des programmes iconographiques, je travaille là-dessus, c'est ce qui m'a retenu longtemps et j'ai un peu tendance à le mettre en exergue. Je crois que dans le fonctionnement du Versailles du XVIIe siècle, il faut aller regarder de plus près. Et là, les eaux sont un élément absolument fondamental. On est très frappé, évidemment, dans les manières de montrer que Louis XIV a écrit de sa main ou a dicté, mais c'est pareil. Dans ces manières de montrer, on est très frappé par deux mots qui reviennent souvent. On ira, on s'arrêtera, on regardera, on fera un demi-tour. Or, qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il admire? Pas les statues, il s'en moque éperdument. La seule chose qui l'intéresse, c'est les perspectives et les jets d'eau. En effet, des statues en Europe, tout le monde pouvait s'en payer. payer à l'époque. Et les Romains et le pape en avaient bien meilleur que le roi. Mais un jet d'eau sur un plateau à 40 mètres ou à 20 mètres, il n'y a que le roi de France qui peut se le permettre. Par conséquent, ce que fait admirer Louis XIV, c'est un peu trivial, mais enfin, c'est des jets d'eau qui grimpent ou c'est de l'eau qui coule et qui s'étend. Pour nous, aujourd'hui, ça n'est pas un tour de force. Avec la technique moderne, c'est extrêmement banal. À l'époque, c'était miraculeux. Donc, je pense que c'est très intéressant d'attirer l'attention sur cet imaginaire. Hein, cet imaginaire autour de la mécanique et autour de l'eau. Nous avons tendance à nous arrêter aux aspects purement techniques. L'aspect imaginaire est au moins aussi important. À propos des hommes, je pense à Éric Soulard, je pense à Benjamin Rigaud, à propos de toutes ces dynasties qui ont peuplé Versailles. C'est extrêmement intéressant, je ne m'y attarderai pas car je dirais que c'est très, je ne vais pas dire banal, mais je veux dire c'est très usuel. La société d'Ancien Régime est faite comme ça. Étudier les jardiniers, étudier les tailleurs, étudier n'importe quel corps de métier sous l'Ancien Régime, vous trouverez cette endogamie, vous trouverez cette sociabilité de groupe basée sur la compétence, sur la faveur, sur le piston. Tout ça marche ensemble, mais dans tous les corps de métier de l'Ancien Régime, c'est comme ça. Par ailleurs, c'est extrêmement fascinant, évidemment, de suivre à la trace, que ce soit les jardiniers, que ce soit les Suisses, que ce soit les gens de l'entretien ou les gens de l'administration. Mais je dirais que la nouveauté de la recherche, pour moi, elle est dans cette espèce de fantasme de la machine. Et là, je crois qu'il y a des choses intéressantes car elles touchent à la fois le technique, le mental, le politique. J'ai bien peu de temps pour dire encore quelque chose à propos, d'ailleurs je dirais pratiquement rien, sur Marly, un modèle. Et je ne dirais pratiquement rien parce que je n'ai pas été très convaincu par les exposés qu'on a eus hier après-midi. J'ai été extrêmement intéressé par l'aspect documentaire. J'ai été très intéressé par la restauration de ce magnifique château anglais. J'ai été très intéressé par le château suédois. Mais dans ce château suédois, j'ai vu guerre de Marly, j'ai vu beaucoup d'Europe centrale. Dans le château anglais, j'ai vu, je ne sais pas, beaucoup de Marly, beaucoup de Palladio. Mais ce sont des impressions. J'ai vu ça hier après-midi, j'ai réfléchi quelques secondes hier soir. Je ne veux pas lancer un débat là-dessus. Simplement reprendre peut-être quelques mises en garde un peu méthodologiques. Ressemblance n'est pas influence. Ça n'est pas parce qu'on s'est promené quelques heures à Marly que forcément on a voulu l'imiter en Virginie. Donc je crois que là, il faut être très prudent. Moi, je pense que si on n'établit pas d'une manière précise comment une influence peut se manifester, quel livre a lu la personne, quels gens a-t-elle rencontré, combien de temps elle a séjourné, a-t-elle laissé des traces, la simple conjonction ou concordance des temps ne suffit pas. Mais enfin, bon, ce sont quelques notations. On aura bien compris que je me méfie beaucoup des interprétations, la symbolique d'un jardin, la symbolique d'une architecture. Je veux vraiment qu'on gratte beaucoup pour être absolument certain. Je n'entre pas plus dans les détails, mais je crois qu'il faut argumenter très fortement si l'on veut ne pas plaquer des interprétations sur des choses qui n'étaient pas réelles, encore une fois. Moi, j'ai un peu travaillé sur les jardins de Versailles et sur les interprétations qui en ont été données par la suite, souvent complètement délirantes, parlant beaucoup plus de l'interprétateur que du jardin lui-même. Ce qui n'est pas inintéressant par ailleurs, mais qui concerne peu Versailles. Je voudrais, alors en deux minutes seulement, dire quel a été le deuxième apport en temps plus bref, car la plupart des communications, au moins les deux tiers, ont porté sur l'objet Marly et aujourd'hui, bien entendu, ce qu'on a entendu ce matin, la restitution, quel type de restitution, jusqu'où, pour qui, pour quel public, grand public, petit public, ça c'était l'apport de la matinée. Mais je suis historien et en tant qu'historien, Je pense que les quatre communications de vendredi matin ont apporté d'une façon considérable. Le rôle historique de Marly commence maintenant à apparaître dans toute son importance. J'en étais resté aux considérations habituelles sur Marly, une résidence de plaisance où le roi, entouré de nobles d'épée, de quelques bons copains comme lui, se contentait de donner quelques miettes aux carpes et de, disons, s'acheminer tout doucement vers une vieillesse plus ou moins décrépite. J'ai bien entendu que tout ceci était un schéma, souvent procédant soit de contemporains aigris comme Saint-Simon, soit d'historiens qui se contentaient de les reprendre, on nous les a cités jeudi matin. Moi, j'ai été fasciné, on peut dire, par ces quatre communications de vendredi matin. Il y a là une... D'abord, une démarche historique extrêmement intéressante, croisant plusieurs approches, la prosopographie, qui va à Marly. C'est bien beau de le dire qu'il y va avec d'une façon générale, mais quand on voit dans le détail qui est venu, à quel moment et pourquoi, ça devient extraordinaire, voir Thierry Sarment. Il est des études partant du logement, de l'ameublement et du décor, non pas seulement l'étude type histoire de l'art, entre guillemets, traditionnelle, c'est-à-dire identification du meuble, style, etc., mais quel type, pourquoi, à quel endroit, pour quel usage, quelle fonction. Cette notion de fonction et de fonctionnement m'apparaît magnifique. La sociabilité aussi, l'étude des pratiques, l'étude des rituels, des manières d'être. On est là à la pointe des nouvelles méthodologies en matière d'histoire qui emprunte à l'histoire des arts, à la sociologie, à l'histoire des mentalités, à l'instrumentalisation, toutes ces fonctions relativement nouvelles qui ouvrent, comme on disait jadis, de nouveaux champs à l'historien, sont en train de prendre racine et de se cumuler ici. L'apport, je trouve, est tout à fait magnifique. Dans bien des domaines, les séjours du roi, la durée de ces séjours du roi, quelques jours au début de Marly, quasiment le tiers de l'année en 1715, l'évolution des personnes admises, je ne vais pas reprendre ce que Thierry Sarment a dit hier, on l'a entendu, l'évolution dans les pratiques, tout ceci nous amène à reconsidérer d'une façon presque fondamentale, la gouvernance de Louis XIV, et à renouveler d'une façon fondamentale le rapport Marly-Versailles. Pour moi, j'en étais resté à un Versailles presque mythique ou mythifié, qui occupait tout l'espace, et puis là-bas, quelque part, dans le coin, Marly, où on allait se dégourdir les pattes et tirer quelques faisans l'après-midi. Ce schéma est maintenant complètement à reprendre. Dans la gouvernance de Louis XIV, dans la manière dont l'absolutisme a fonctionné, je crois que la place respective de Marly et de Versailles sont à reconsidérer. Je ne sais pas si les publications de vulgarisation des historiens sont allées jusque-là. On réédite sans arrêt, Versailles, le mythe, la pierre, etc. Bon, très bien, c'est des articles qui souvent datent de 25 ans. Je critique personne. Je suis l'auteur de certains articles là-dedans. Mais j'ai l'impression que Versailles, finalement, a été une sorte de point d'orgue, mais qui a relativement peu brillé, si l'on peut dire, je m'entends, dans le fonctionnement de l'absolutisme. On a bien vu hier comment, à partir de 1700, quelque chose comme ça, le roi travaille de plus en plus en tête à tête avec tel ou tel ministre qu'il fait venir à Marly, qui n'est donc plus un ermitage et un lieu de repos, mais qui devient une sorte de Camp David, si vous voulez, où le roi fait venir là les gens qui, bien sûr, pas les têtes couronnées, mais des experts. Et avec ces experts, eh bien, on mène la politique. Alors, il ne faudrait pas non plus mythifier Marly à son tour. Bien sûr, Marly, c'est aussi la promenade, c'est les carpes, c'est la chasse. Il y a toute une sorte d'aspects un peu triviaux dans Marly qui ne sont pas, ou d'aspects un peu bon, séniles presque, qui ne sont pas à la gloire du roi. Mais ce nouveau fonctionnement de Marly à partir de 1700, moi j'ai trouvé ça extrêmement passionnant, devant, non pas conclure une conclusion, mais terminer. Je pense que le travail sur Marly, la connaissance du Marly en tant qu'objet Marly va progresser essentiellement, si j'ai bien cru comprendre, grâce à l'archéologie, au croisement de l'archéologie, des archives, des textes et des plans. Mais, chose fort intéressante, ça va se doubler d'une sorte de rééquilibrage de l'idée qu'on pouvait se faire du fonctionnement du politique dans Versailles. La mythologie qui a entouré Versailles depuis la renaissance de Versailles à laquelle j'ai pu assister, car dans les années 70, qui aurait encore osé parler de Versailles, mais à partir de la baroquisation de Versailles, à partir de ce nouveau goût culturel, et Versailles est devenu aujourd'hui cet endroit magnifique est visité par ces foules qu'on aurait cherché jadis à la loupe, eh bien, il y a eu cette renaissance de Marly qui s'est insérée là et qui, je pense, va nous permettre maintenant d'avoir une vision plus intéressante et en même temps de remettre en l'honneur ce qui, pour Louis XIV, avait été, dans ces années dites versaillaises, au moins à égalité avec Versailles.